Ce pair de France, dispensé d'aller aux séances à cause de sa surdité, montrait une belle tête froidie par les années, à cheveux gris, encore assez abondants pour être comme collés par la pression du chapeau. Petit, trapu, devenu sec, il portait sa verte vieillesse d'un air guilleré. Et comme il conservait une excessive activité condamnée au repos, il partageait son temps entre la lecture et la promenade. Ses mœurs douces se voyaient sur sa figure blanche, dans son maintien, dans son honnête discours plein de choses sensées. Il ne parlait jamais guerre ni campagne. Il savait être trop grand pour avoir besoin de faire de la grandeur. Dans un salon, il bornait son rôle à une observation continuelle des désirs des femmes. « Vous êtes tous gais, » dit-il en voyant l'admiration que le baron répandait dans cette petite réunion de famille. « Hortense n'est cependant pas mariée, » ajouta-t-il en reconnaissant sur le visage de sa belle-sœur des traces de mélancolie. « Ça viendra toujours assez tôt, » lui cria dans l'oreille la bête d'une voix formidable. « Vous voilà bien, mauvaise graine qui n'a pas voulu fleurir, » répondit-il en riant.